Il crut, sans balancer, qu'il mettrait fin à une si belle aventure, et poussé par l'amour et par la gloire, il résolut de voir sur le champ ce qui en estoit. À peine s'avança-t-il vers le bois que tous ces grands arbres, ces ronces et ces épines s'écartèrent d'elles-mêmes pour le laisser passer. Il marche vers le château qu'il voya au bout d'une grande avenue où il entra, et ce qui le surprit un peu, il vit que personne de ses gens ne l'avoit pu suivre, parce que les arbres s'estoient rapprochés dès qu'ils avoient été passés. Il ne laissa pas de continuer son chemin. Un prince jeune et amoureux et toujours vaillant. Il entra dans une grande avant-cour, où tout ce qu'il vit d'abord estoit capable de le glacer de crainte. S'estoit un silence affreux. L'image de la mort s'y présentoit partout, et ce n'estoit que des corps étendus d'hommes et d'animaux qui parassoient morts. Il reconnut pourtant bien, au nez bourgeonné et à la face vermeille des Suisses, qu'il n'estoit qu'endormi. Et leur tasse, où il y avoit encore quelques gouttes de vin, montroit assez qu'il n'estoit endormi en bevant. Il passe une grande cour pavée de marbre. Il monte l'escalier, il entre dans la salle des gardes qui estoient rangés en haie, la carabine sur l'épaule et ronflant de leur mieux. Il traverse plusieurs chambres pleines de gentilshommes et de dames, dormant tous, les uns debout, les autres assis. Il entre dans une chambre toute dorée et il voit sur un lit dont les rideaux estoient ouverts de tous côtés le plus beau spectacle qu'il ait jamais vu. Une princesse qui paroissa avoir 15 ou 16 ans et dont l'éclat resplendissant avoit quelque chose de lumineux et de divin. Il s'approcha en tremblant et en admirant et se mit à genoux auprès d'elle. Alors, comme la fin de l'enchantement estoit venue, la princesse s'éveilla et le regardant avec des yeux plus tendres qu'une première vouée, ne sembla le permettre. « Est-ce vous, mon prince ?» lui dit-elle. « Vous vous êtes bien fait attendre. » Le prince, charmé de ses paroles et plus encore de la manière dont elle s'estoit dite, ne savoit comment lui témoigner sa joie et sa reconnaissance. Il l'assura qu'il l'aimoit plus que lui-même. Ses discours furent mal rangés, ils en plurent davantage, peu d'éloquence, beaucoup d'amour. Il estoit plus embarrassé qu'elle, et l'on ne doit pas s'en estonner. Elle avoit eu le temps de songer à ce qu'elle aura à lui dire. Car il y a apparence, l'histoire n'en dit pourtant rien, que la bonne fée, pendant un si long sommeil, lui avoua procurer le plaisir des songes agréables. Enfin, il y avoua 4 heures qu'ils se parloient, et ils ne s'estoient pas encore dit la moitié des choses qu'ils avouaient à se dire. Cependant, tout le palais s'estoit réveillé avec la princesse, chacun songeoit à faire sa charge, et comme ils n'estoient pas tous amoureux, il mourroit de faim. La dame d'honneur, pressée comme les autres, s'impatienta et dit tout haut à la princesse que la viande estoit servie. Le prince aida la princesse à se lever, elle estoit tout habillée et fort magnifiquement, mais il se garda bien de lui dire qu'elle estoit habillée comme ma mère grand et qu'elle avoit un collet monté, elle en estoit pas moins belle. Ils passèrent dans un salon de miroir et soupèrent, servis par les officiers de la princesse. Les violons et les hautbois jouèrent de vieilles pièces, mais excellentes, quoiqu'il y eût près de 100 ans qu'on ne les jouasse plus. Et après souper, sans perdre de temps, le grand aumônier les maria dans la chapelle du château, et la dame d'honneur leur tira le rideau. Ils dormirent peu, la princesse n'en avoua pas grand besoin, et le prince la quitta dès le matin pour retourner à la ville, où son père devait être en peine de lui. Le prince lui dit qu'en chassant, il s'était perdu dans la forêt et qu'il avait couché dans la hutte d'un charbonnier qui lui avait fait manger du pain noir et du fromage. Le roi, son père, qui estoit bonhomme, le crut, mais sa mère n'en fut pas bien persuadée et voyant qu'il alloit presque tous les jours à la chasse et qu'il avoit toujours une raison en main pour s'excuser quand il avoit couché 2 ou 3 nuits dehors, elle ne douta plus qu'il n'eût quelque amourette, car il vécut avec la princesse plus de 2 ans entiers. Et en eut 2 enfants, dont le premier, qui fut d'une fille, fut nommé l'Aurore, et le second un fils, qu'on nomma le Jour, parce qu'il paroissa encore plus beau que sa sœur. La reine dit plusieurs fois à son fils, pour le faire expliquer, qu'il fallait se contenter dans la vie, mais il n'osa jamais se fier à elle de son secret. Il la croigna, quoiqu'il l'aimaste, car elle estoit de race ogresse, et le roi ne la voit épouser qu'à cause de ses grands biens.

à la voix donner ordre de les amener les mains liées derrière le dos. Ils estoient là, et les bourreaux se préparoient à les jeter dans la cuve lorsque le roi, qu'on n'attendoit pas si tôt, entra dans la cour à cheval. Il estoit venu en poste et demanda tout estonné ce que vouloit dire cet horrible spectacle. Personne n'osoit l'en instruire, quand l'ogresse, enragée de voir ce qu'elle voya, se jeta elle-même la tête la première dans la cuve et fut dévorée en un instant par les vilaines bêtes qu'elle y avoit fait mettre. Le roi n'en laissant pas d'en être fâché, elle estoit sa mère, mais il s'en consola bientôt avec sa belle femme et ses enfants. Moralité : attendre quelque temps pour avoir un époux, riche, bien fait, galant et doux, la chose est assez naturelle. Mais l'attendre 100 ans, et toujours en dormant, on ne trouve plus de femelles qui dormissent si tranquillement. La fable semble encore vouloir nous faire entendre que souvent de l'hymen les agréables nœuds, pour d'être différents, n'en sont pas moins heureux, et qu'on ne paie rien pour attendre. Mais le sexe, avec tant d'ardeur, aspire à la foi conjugale, que je n'ai pas la force ni le cœur de lui prêcher cette morale. Sposa conduce al ciel superiore.